riche et grave. Il observe le monde, sage et un peu grave. Et tout autour, sur les champs de la haine, un monde peuplé d'insectes et de volatiles friands, où chacun cherche en place, profite et gîte, vivant et couche. Dans cette vallée où l'herbe même semble amère, le grand chêne voyait la faune grouiller, chacun voulant protéger ce qu'il avait semé. L'écureuil vif et alerte cachait ses noix dorées, tandis que l'araignée, dans l'ombre, tissait serrée. Un jour, un oiseau étrange, venu de loin, vint à se poser sur une branche offerte, fatigué de voyager. Ainsi en allait-il de ceux qui migrent au gré du vent. Pourquoi cette méfiance gazouillait-il au bois? Ne voyez-vous pas qu'ensemble, nous sommes plus forts que les rois? Le chêne, dans sa sagesse, prit la parole alors. Petit, comprends que chacun ici défend son trésor. Mais ce n'est point de l'or ou des joyaux que l'on garde, mais bien des leçons de vie, des valeurs, des étendards. Faut pas les fâcher, les fachos. Sous lui, la fourmi et le ver se disputaient l'antre. Laisse-moi, dit le ver, je ne demande qu'une feuille. Non, non, répond la fourmi, tout ici m'émeut et me recueille. Au-dessus de leur tête volait le corbeau narquois, qui de ses grands cris moquait leur désarroi. Regardez ces petites créatures ridicules, chacun pour soi, Dieu pour tous, telle est la règle. Plus loin, la cigale chante, libre et fière, ignorant les petits drames de la terre. Elle slamait des vers sur l'ironie de leur sort. Même en haine, mes amis, peut briller l'or. Mais l'écho de ces mots troublait le renard solitaire, qui dans l'ombre ruminait sur comment plaire. Si je montre mes crocs, tous sont si terrifiés. Si je masque ma faim, je suis vite oublié. Le chêne interrogeait, ce qui divise, comment éduquons-nous nos jeunes pousses? Chercher et forger le lendemain, enseigner l'humilité, le partage, le respect, pour qu'ils bâtissent un monde plus juste, parfait. Protéger ses acquis, peut-être aussi protéger ses racines. Savoir d'où l'on vient, pour que la route s'illumine. Mais accueillir l'étranger, lui donner sa chance, c'est enrichir son sol, c'est une nouvelle semence. Éduquons nos enfants, non pas à craindre l'autre, mais avoir en lui un frère, un allié, un apôtre. On nous repose l'espoir de changer cette terre, pour qu'enfin dans la haine fleurisse la lumière. Car sachez que chaque terroir, même dit de la haine, peut abriter l'amour si l'on change la scène. Regardez non pas ce qui divise, mais ce qui lie, les bienfaits de la lie. Cherchez non pas le confort, mais la fraternité, si le vent se lie à ce qui fourmille. Si c'est la haine de l'oiseau, si le renard partage son repas, peut-être qu'ensemble vous changerez les lois. Est-ce qu'on peut mettre sur le quel sera votre loi? Ainsi le chêne parlant se retournera vers la plaine, dans les cœurs de tous ceux qui sous son ombre traînent. Le migrateur ému reprit son chant plus fier, diffusant tout dans le vent l'espoir et la lumière. Mais en terre de haine, la morale souvent est amère. Changer demande plus qu'un espoir éphémère. Ironie cruelle de cette société fracturée, où pour trouver sa place il faut se renier. Et dans les terres de haine reste l'écho de la cigale, s'lamant haut et fort, une vérité qui déballe.